Does anyone remember the title of my talk yesterday? What was the main topic? Les quatre souffrances. Les fondements de la vérité. Les quatre vérités. The fourth truth. Mm, right. And so do you remember the kinds of truth that I talked about? Est-ce que vous vous souvenez des différentes sortes when we talk about the four, we're talking about the Four Noble Truths taught by the Buddha, right? First of all, that's the overall topic. The Four Noble Truths. The Buddha said that because we of not knowing the Four Noble Truths, both he and all of us suffer, travel throughout samsara, being born and dying again and again and again because of not knowing the Four Noble Truths. So with that, I wanted to explain about the word truth. So we talked about different types of truth. So does anyone remember those types of truth that we spoke about? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de l'enseignement d'hier? Ça y est, effectivement, hier a commencé par parler des quatre nobles vérités. Elle a expliqué que si les gens souffrent, les êtres souffrent, ils sont maintenus prisonniers dans le samsara, condamnés à reprendre naissance de façon répétée dans le samsara, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris les quatre nobles vérités. À partir de là, Sayali a expliqué qu'il y a différentes sortes de vérités. Et c'est ça qu'elle voudrait savoir, si vous vous souvenez des différentes sortes de vérités, en dehors donc des quatre nobles vérités. Il y en a une dont je me souviens. Oui. C'est qu'avant, dire que la vérité, être vrai, être réellement soi-même, dire la vérité, c'est libérateur. She says she remembers one of these truths, the fact to be honest and sincere. Oneself. One kind of truths. Est-ce que tu te souviens effectivement que être sincère, dire la vérité, c'est une des différentes sortes de vérité. Mais comment fait-on pour être sincère et dire la vérité? Est-ce que tu te souviens de ça? Personnellement. Remember, I told some stories. Elle a raconté des histoires à ce oui, sujet. Oui, l'histoire donc de il y avait trois histoires de la famille concernant le. Donc cette histoire de la famille illustrait une des différentes sortes de vérité. C'est la déclaration de vérité, dire la vérité, faire une déclaration de vérité. Encore deux autres. Alors la deuxième sorte de vérité dont Sayali a parlé, c'est la vérité conventionnelle. C'est tout simplement tout ce à quoi on peut donner un nom ou une forme, par exemple mon père, ma mère, cette table, etc. C'est la vérité conventionnelle. Combien de vérités ultimes y a-t-il? Four. Yeah, right. There's four, right? And they are. Conscience. Conscience, chitta. Concomitants. Right, concurrent mind states, right, chetasikas. Yeah, but there's one more. Rupa. No? Mind, concomitant mind states, rupa, and nibbana, four types of ultimate reality. So. Donc la dernière forme de vérité, sorte de vérité, c'est Arya Satcha, la noble vérité. Pourquoi l'appelle-t-on, la qualifie-t-on de noble? Tout simplement parce que c'est la vérité qu'expérimentent les êtres nobles. Dès le moment où on l'expérimente, on devient un être noble. Donc c'est un sujet qui est très difficile, très profond et très compliqué, les quatre nobles vérités. Donc, Sayali va essayer d'en parler du point de vue du méditant, en se référant à la pratique du méditant. Donc, elle va expliquer les quatre nobles vérités d'un point de vue très concret et très pratique. Quelles sont ces quatre nobles vérités? Il y a d'abord la noble vérité de la souffrance, la noble vérité de la cause de la souffrance, la noble vérité de la cessation de la souffrance et la noble vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Donc, lorsque l'on médite, on s'efforce d'observer les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux qui se manifestent à l'intérieur de nous. Nous essayons de réaliser la véritable nature de ces phénomènes. Nous ne nous occupons pas des concepts, nous essayons d'observer la réalité ultime. Lorsque vous observez votre abdomen qui se soulève et qui s'abaisse, vous allez ressentir certaines qualités, comme par exemple de la tension, de la pression. Tout cela, c'est la matière. Donc lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous allez expérimenter certaines qualités. C'est la matière. En pali, on appelle ça rupa. Mais il y a également l'esprit qui prend conscience et qui sait qu'il y a à ce moment-là tel phénomène. Cet esprit qui sait, c'est nama, un phénomène mental, qui appartient à la réalité ultime également. Donc le méditant observe les mouvements de l'abdomen. Il observe le mouvement de soulèvement. Ce mouvement, c'est rupa, la matière. La conscience, l'esprit qui note ce mouvement, c'est nama, l'esprit. Nama et rupa sont dukkha saccha, la noble vérité de la souffrance. Et nous devrons observer ces mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sans interruption, de façon continue, si nous voulons réussir à comprendre ces choses correctement. Sati, l'attention qui observe les phénomènes, de même que d'autres facteurs, constitue le chemin. Parce que c'est le chemin, tout simplement parce que au moment où le méditant observe attentivement ces phénomènes, la deuxième noble vérité ne se manifeste pas. When la yogi... cause de dukkha. Sorry. Le désir, l'attachement, qui est la deuxième noble vérité, la cause de dukkha, n'apparaît pas si le méditant note. À chaque annotation qu'il fait, cette deuxième noble vérité n'apparaît pas, ne se manifeste pas. Il n'y a pas de désir. Il observe les mouvements de soulèvement de l'abdomen, ensuite les mouvements d'abaissement de l'abdomen. Il observe et note le fait d'étirer ses membres, de replier ses membres, de se déplacer, de tous les mouvements qu'il effectue, il les note attentivement. Et à chaque annotation, cette deuxième noble vérité ne se manifeste pas. Le méditant va également observer les phénomènes mentaux. Chaque fois qu'il note les phénomènes mentaux, la souffrance disparaît, la cause de la souffrance ne se manifeste pas. Il va également observer toutes les sensations, Vedana. Chaque fois qu'il observe une sensation de façon authentique, la deuxième noble vérité, le désir, ne se manifeste pas. Chaque fois qu'il observe des phénomènes comme l'audition, la vision, tous ces contacts, s'il réussit à les noter à l'instant même où ils se manifestent, la deuxième noble vérité ne se manifeste pas. Il expérimente à ce moment-là la paix que l'on appelle Nibbana. Chaque fois qu'il note donc ce qui se manifeste, le méditant réussit à éviter de laisser pénétrer en lui la deuxième noble vérité. Elle ne se manifeste pas. Il expérimente Nibbana, et Nibbana, c'est Nirodha Saccha, la noble vérité de la cessation de la souffrance. Il y a donc ces quatre nobles vérités. Dukkha Saccha, la noble vérité de la souffrance. Samudaya Saccha, la noble vérité de la cause de la souffrance. Magga Saccha, la noble vérité du chemin qui mène à la libération de la souffrance. Et Nirodha Saccha, la cessation de la souffrance. Et donc ceci, c'est exactement l'enseignement du Bouddha. C'est en ces termes qu'il a expliqué Nibbana. Donc, le Bouddha a parlé de la première noble vérité, la noble vérité de la souffrance. Cette noble vérité de la souffrance est un fait qui existe, et les gens, étant donné qu'ils expérimentent cette souffrance, vont tôt ou tard ressentir à l'intérieur d'eux, samvega, un sentiment d'urgence. C'est une espèce de connaissance. Ils vont se mettre en quête d'un moyen pour se libérer de cette souffrance. En quoi consiste cette souffrance dont ils veulent se libérer? Il y a tout d'abord le fait de prendre naissance, le fait de vieillir, le fait de tomber malade, le fait de mourir, le fait d'être séparé de ce que l'on aime ou des personnes que l'on aime, le fait d'être associé à des personnes ou à des situations que l'on n'aime pas, ne pas obtenir ce que l'on veut. En bref, c'est la vie elle-même qui est souffrance. Le Bouddha a parlé ensuite de la deuxième noble vérité, la cause de la souffrance. La cause de la souffrance, c'est l'attachement. Le Bouddha en parle en second lieu pour qu'il y ait une suite logique dans son exposé. Il y a d'abord la souffrance, puis la cause de la souffrance. Personne ne crée cette souffrance, ce n'est pas nous qui créons la souffrance. La souffrance est là parce que il y a l'attachement. Le Bouddha a parlé ensuite, en troisième lieu, de la cessation de la souffrance. Il y a moyen de mettre fin à cette souffrance. C'est Nirodha Saccha, la noble vérité de la cessation de la souffrance. Il faut donc savoir, le Bouddha nous dit, qu'il y a moyen de mettre fin à la souffrance. Donc le Bouddha a enfin parlé de la quatrième noble vérité, Magga Saccha, la noble vérité du chemin qui mène à la libération de la souffrance. Si nous le souhaitons, si nous voulons, nous pouvons nous libérer de la souffrance. Comment allons-nous faire pour nous libérer de la souffrance? Nous allons suivre et développer le noble chemin, Magga. C'est la quatrième noble vérité, Magga Saccha. Donc voilà, c'est la façon dont le Bouddha a expliqué la vie, a expliqué les choses en quatre étapes. La noble vérité de la souffrance, la cause de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. En pali, on parle de desana kama. Le Bouddha a également expliqué tout cela d'un point de vue très pratique. Sayali voudrait maintenant que vous vous focalisez sur votre propre pratique. Donc la première chose que vous allez expérimenter au cours de votre pratique, c'est en fait la quatrième noble vérité, le chemin qui mène à la libération de la souffrance. Pourquoi ? Parce que pendant toute la journée, vous vous efforcez d'être attentif et de noter tous les phénomènes physiques, toutes les sensations, les ressentis, tous les états d'esprit et tous les dhammas. Ça, cette observation, c'est précisément Magga, le chemin. Et donc, sati, l'attention, associée à d'autres facteurs, constitue donc Magga, le chemin qui mène à la libération de la souffrance. Ce chemin est également appelé satipatthana. Satipatthana est un mot pali qui se compose de deux parties, sati qui veut dire noter, observer, être attentif, et patthana qui veut dire établir. Donc, sati, l'attention doit être fermement établie sur les objets que l'on observe. Lorsque votre attention, votre sati, sera fermement établie sur kaya, le corps physique, vous pratiquez kaya nupassana satipatthana. Lorsque votre sati est fermement établie sur les phénomènes mentaux, vous pratiquez citta nupassana satipatthana. Lorsque votre sati est fermement établie sur les ressentis vedana, vous pratiquez vedana nupassana satipatthana. Et lorsque votre sati est fermement établie sur les qualités physiques et mentales, vous pratiquez dhamma nupassana satipatthana. Donc, vous allez développer ces quatre satipatthana. Ce qui veut dire que vous développez Magga Saccha, la noble vérité du chemin, et le développement de Magga Saccha va vous mener à la connaissance. Donc le yogi va observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Chaque fois qu'il note le mouvement, il note Rupa la matière. Chaque fois qu'il note l'esprit qui sait, l'esprit qui prend conscience, il note Nama, l'esprit. Et c'est la même chose pour le mouvement d'abaissement. Chaque fois qu'il note et observe le mouvement d'abaissement en lui-même, il observe Rupa la matière. Lorsqu'il voit la conscience qui expérimente cet objet, il note Nama, l'esprit. À chaque instant, le yogi note de cette façon et il réalise ainsi à chaque instant Dukkha Saccha, la noble vérité de la souffrance. Il voit la première noble vérité. Il l'observe. Donc pourquoi dit-on que les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, nama et rupa, sont la noble vérité de la souffrance? Tout simplement parce que tous ces phénomènes physiques et mentaux que nous observons sont voués à vieillir, tomber malade et mourir. C'est un processus auquel il est impossible d'échapper. On ne peut pas l'empêcher de se produire. C'est parce que tous ces phénomènes que nous observons sont sujets à la maladie, la vieillesse et la mort qu'ils sont souffrance. Donc, quand le yogi observe les phénomènes physiques et mentaux, quelle vérité expérimente-t-il, voit-il? Comment se fait-il que l'on puisse voir dukkha, que l'on puisse voir la noble vérité de la souffrance, tout simplement parce qu'on note? En notant, on voit la noble vérité de la souffrance. Qu'est-ce qui disparaît par le simple fait d'expérimenter la noble vérité de la souffrance? Au moment où on observe la noble vérité de la souffrance, qu'est-ce qui disparaît? Au moment où on est en contact donc avec la noble vérité de la souffrance, qu'est-ce qui n'apparaît pas dans l'esprit? Mais effectivement, à chaque moment d'attention authentique, le désir, l'attachement n'apparaît pas, ne se manifeste pas. Mais comment va-t-on mettre fin, éliminer totalement cette raga, cet attachement, ce désir? Donc, on met fin au désir en répétant ce processus. Donc, on va essayer de noter de façon continue, ininterrompue, chaque fois qu'un objet se présente. On va chaque fois réussir à le noter, à commencer par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Dès qu'on effectue un mouvement, que ce soit étendre le bras, le ramener, pratiquer la marche, se déplacer, tout ce que l'on fait à chaque instant, on l'observe de façon objective et précise. On observe également l'esprit qui note ces différentes choses. On observe des phénomènes mentaux, comme par exemple le fait d'entendre, le fait de voir. Tout est observé de façon objective et précise à chaque instant. Et c'est de cette façon qu'on va mettre fin de façon répétée à ce désir et à cet attachement. Nous allons alors petit à petit expérimenter un état de paix qui est précisément Nirodha Saccha, la noble vérité de la cessation de la souffrance, et qui est un synonyme de Nibbana. Donc le yogi va noter ainsi, de façon continue, à chaque instant, il va réaliser le noble octuple sentier. Il va continuer à pratiquer, à s'entraîner, il va développer ce noble octuple sentier, et cela va permettre aux connaissances vipassana de se développer de plus en plus. Comment le noble octuple sentier est-il développé au moment où on observe les différents phénomènes qui se manifestent à chaque instant? Lorsque le méditant pratique la méditation et qu'il note, les 8 facteurs sont effectivement présents en lui. Il y a tout d'abord les premiers qui concernent la moralité. Ce méditant qui observe ainsi ne tue pas, ne se méconduit pas sexuellement, ne vole pas donc et ne ment pas. Donc, la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste sont réalisés automatiquement au moment où il note. Le méditant qui pratique ainsi évite également donc la parole incorrecte, c'est-à-dire le mensonge, les paroles dures, la médisance, les paroles inutiles. Donc il réalise ainsi Samavacha, la parole juste. Le méditant qui pratique ainsi et qui note à chaque instant a également un moyen d'existence juste, pratique les moyens d'existence juste. Ces 3 facteurs, la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste, constituent le groupe de la moralité. Et donc, en pratiquant ainsi et en se montrant respectueux de sa moralité, de sila, en ne transgressant pas ses préceptes moraux, le méditant évite de mal se conduire. Et qu'il est ça, les impuretés mentales ne pénètrent pas dans son esprit. Et donc, les 3 premiers facteurs du noble octuple sentier et qui concernent la moralité sont ainsi automatiquement présents lorsque le méditant note. Quant aux facteurs suivants, le méditant observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il observe tous les mouvements qu'il est amené à faire tout au long de la journée, si minimes soient-ils, et il le développe ainsi, s'attire son attention. Elle est automatiquement présente au moment où il note ainsi. Le méditant va non seulement observer ce qui se passe dans son corps, mais il va également observer les ressentis. Les ressentis sont agréables ou désagréables. C'est Vedana. Il observe également les phénomènes mentaux. C'est également Sati qui lui permet d'observer. Sati se manifeste également lorsque le méditant note tout ce qui se manifeste, qui pénètre en lui par le canal de l'un des six sens. Sati, c'est ce qui lui permet d'observer tous ces phénomènes. On parle alors de Samasati, l'attention juste. Le fait de s'efforcer d'être attentif, c'est Samavayama, l'effort juste. L'esprit va ainsi petit à petit se calmer à cause de cet effort d'attention que fournit le méditant. L'esprit est ainsi rassemblé, concentré, au moment où il observe les mouvements de soulèvement de l'abdomen, le mouvement d'abaissement de l'abdomen, et pendant la marche, il observe attentivement le mouvement d'élévation du pied, d'avancement du pied, d'abaissement du pied. Il est toujours concentré et rassemblé. L'esprit est ainsi rassemblé, concentré à chaque instant. On parle de samadhi, la concentration juste. Donc ces trois facteurs, effort juste, attention juste et concentration juste, constituent le groupe de samadhi, et qui est le second groupe du noble octuple sentier, après donc le premier qui concernait Sila, la moralité. Donc, nous n'essayons pas ici de développer des concentrations très fortes que l'on appelle les jhanas, mais la concentration que nous utilisons et que nous développons est une concentration qui est associée à la connaissance. Donc, ces trois facteurs, effort juste, attention juste et concentration juste, vont se manifester dans l'esprit du méditant qui les développe à chaque instant. Son esprit va ainsi petit à petit se calmer, devenir frais et pur. Alors, Sayadri voudrait vous demander si vous vous souvenez de quel type de kilesa d'impureté mentale le méditant va se libérer par Sila, la moralité. Donc la pratique de Sila, la moralité, va nous permettre de nous protéger contre des impuretés appelées les impuretés grossières. Les impuretés grossières sont celles qui se manifestent extérieurement par un acte ou par une parole. Donc nous pratiquons Sila, mais même si nous pratiquons Sila, la moralité, le désir de se méconduire est cependant susceptible de se manifester dans l'esprit. Comment allons-nous faire pour nous protéger au niveau de l'esprit? Nous allons pratiquer la concentration. Donc, nous avons parlé jusqu'à présent du groupe de la moralité, Sila, du groupe de la concentration, Samadhi, et maintenant nous allons parler du troisième groupe, le groupe de la sagesse qui comprend deux facteurs, les vues justes et la pensée juste. Donc, lorsque vous pratiquez la méditation et que vous dirigez votre esprit vers les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que vous essayez de l'y maintenir, on parle de la pensée juste, Samasankappa. Donc, que ce soit le mouvement de soulèvement ou le mouvement d'abaissement que vous observez, si vous l'observez correctement, il s'agit de Samasankappa, la pensée juste. Et puis, si, quel que soit l'objet que vous observez, en dehors des mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, si l'esprit est établi sur l'objet, il s'agit de Samasankappa. Donc, également pendant la marche, lorsque vous observez le mouvement d'élévation du pied, d'avancement du pied, d'abaissement du pied, il s'agit toujours de Samasankappa. Samasankappa, la pensée juste, est donc le facteur qui va vous permettre de diriger votre esprit vers l'objet et de l'y établir. Parlons maintenant de la vue juste, le deuxième facteur. Comment la vue juste va-t-elle se manifester lorsque nous pratiquons? Nous observons donc les différents objets qui se manifestent et nous voyons qu'il y a chaque fois l'esprit et la matière. La matière, c'est le mouvement, par exemple, et l'esprit, c'est ce qui sait, ce qui expérimente. Donc, au moment où l'abdomen s'abaisse, le yogi observe attentivement, il voit le mouvement physique de l'abaissement et il voit la conscience qu'il a de ce mouvement. Il fait donc clairement la différence entre ces deux phénomènes, le phénomène physique et le phénomène mental. Et ceci, cette vision, cette compréhension, cette expérimentation fait partie des vues justes. Donc, le méditant observe le mouvement de soulèvement. Pourquoi ce mouvement de soulèvement a-t-il lieu? Tout simplement parce qu'il y a la respiration. C'est la respiration qui provoque ces mouvements. Pourquoi la respiration a-t-elle lieu? Parce qu'il y a le désir de respirer. Tout ceci, c'est la connaissance, et cette connaissance se manifeste parce qu'il observe. Tout ceci concerne les vues justes, samadhiti. Samadhiti, c'est voir la différence entre l'esprit et la matière, les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, c'est comprendre les causes et les effets. Mais c'est un sujet qui est très complet et je n'en discuterai pas à fond aujourd'hui. Donc, les vues justes sont quelque chose de très difficile, mais lorsque le méditant observe ainsi ce qui se passe à l'intérieur de lui, il va réaliser automatiquement, dans une certaine mesure, la chaîne des origines interdépendantes. Il voit, par exemple, que les sankharas, les formations mentales, ont lieu parce qu'il y a l'ignorance. Il voit que la conscience se manifeste, apparaît parce qu'il y a eu les sankharas. Il voit que la matière et l'esprit est apparu parce qu'il y a eu les sankharas, ou la conscience. Tout cela, toutes ces choses qui sont reliées entre elles par un lien de causalité, le méditant va petit à petit les expérimenter directement par lui-même. Il comprendra également ces choses d'un point de vue théorique. Tout cela fait partie donc de samadhiti, la vue juste. Le yogi va expérimenter les causes et les effets d'une façon très concrète et pratique au moment où il médite. Il va comprendre que les mouvements de l'abdomen sont provoqués par l'esprit qui désire respirer. Il comprend que le fait de se lever, de passer à la posture debout, est amené à cause de l'intention de se lever. Il comprend clairement les causes et les effets. Donc, ce sont là les deux premières connaissances vipassana, le fait de faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, et la réalisation des causes et des effets. Ces deux premières connaissances sont très importantes, car c'est le fondement pour la pratique de vipassana. Il faut que le méditant ait réalisé ces choses, qu'il les ait vues à l'intérieur de lui au cours de sa méditation, pour que les connaissances suivantes puissent se développer. La connaissance qui va venir après celle-là, c'est la connaissance des apparitions et disparitions rapides des phénomènes. Tout ceci fait partie des vues justes. Ces phénomènes physiques et ces phénomènes mentaux vont donc être observés attentivement par le méditant. Il les verra distinctement comme étant deux choses séparées. Il y a d'une part les phénomènes physiques et ensuite d'autre part la conscience qui prend conscience, qui sait, qui expérimente ces phénomènes physiques. Il voit que ces phénomènes physiques et mentaux sont reliés entre eux par un lien de causalité. Et il voit également qu'ils n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître à l'intérieur de lui. Il réalise ainsi dukkha, la souffrance. Tout ceci, de nouveau, fait partie des vues justes. Le méditant va donc observer ainsi, il comprendra à chaque annotation qu'il ne s'agit jamais que de phénomènes physiques et mentaux en interaction qui apparaissent et disparaissent. Il ne voit nulle part une personne, un être, un individu, un homme ou une femme qui serait le dépositaire de ces choses. Il voit tout du point de vue de la réalité ultime. Il n'y a jamais à l'intérieur de lui que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux en interaction. Lorsque le méditant expérimente directement par lui-même dans sa méditation que ces phénomènes physiques et mentaux qu'il observe sont reliés entre eux par un lien de causalité, il comprend la véritable cause des choses, pourquoi les choses se manifestent. Donc, il est dit que la noble vérité de la souffrance doit être comprise. La noble vérité de la cause de la souffrance, l'attachement, doit être éradiquée. La noble vérité de la cessation de la souffrance doit être réalisée et le chemin qui mène à la libération de la souffrance doit être développé. Donc, les phénomènes physiques et mentaux que nous observons sont la noble vérité de la souffrance parce que ces choses sont sujettes à la maladie, à la vieillesse et à la mort. La noble vérité de la cause de dukkha, de la souffrance, c'est donc l'attachement à ces choses. La cessation de la souffrance peut être réalisée par le développement du noble octuple sentier. Puissiez-vous tous, par votre pratique et votre effort à voir les choses telles qu'elles sont réellement, votre effort à comprendre dukkha, à éliminer la cause de dukkha et à développer le noble octuple sentier dans le but d'arriver à la cessation de dukkha, puissiez-vous tous atteindre votre but et réaliser un jour Nibbana. Sadhu. Ok, Sayali voudrait préciser que les enseignements qu'elle a donnés au cours de la retraite ne sont pas ses propres enseignements. Elle a repris des enseignements qui ont été donnés par des grands Sayadus, notamment par cet enseignement-ci a été donné par un Sayadu, Moulmein Sayadu. Et en général, les enseignements que Sayali donne viennent de Sayadu Upandita, son professeur. La seule chose qu'elle a fait, elle, c'est la traduction. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de la retraite. Je vais afficher le programme pour demain. Ce soir, il y a encore quelques méditants qui vont se joindre à nous. Et demain, il y aura encore quelques méditants qui vont se joindre également. Je vous le dis pour que vous soyez encouragés à continuer à être attentifs malgré les départs successifs. Et voilà, on pourra rompre le noble silence, disons. Demain, le programme est le même que d'habitude jusqu'à 9h. À partir de 9h, vous pouvez gentiment rompre le silence, mais pas trop, parce que ce ne serait pas bien. La cérémonie de clôture aura lieu à 10h. Après la cérémonie de clôture, vous pouvez parler librement. Vous êtes tous conviés, bien sûr, à rester manger si vous le souhaitez, mais je vais mettre les papiers en bas. Vous me dites si vous restez manger ou si vous partez après la cérémonie de clôture. Voilà. Et donc, demain matin, Sayali fera un très très court enseignement de clôture, mais très peu de choses.